Enseignement par le Vénérable Soyadu Upanyasami. Retraite Vipassana 2002. I talked about Putana Nupassana, contemplation of feelings. Today, also, I would like to continue about Putana Nupassana. Because our yogis, I think, understand why do we note the feelings when they appear in our body. Morning they report that their experience quite well. How they noted the pain, then how they saw the pain disappear, they expressed their experience quite well. That's why I would like to continue about Vedana Nupassana, contemplation of feelings. Hier, je vous ai parlé de Vedana Nupassana, la contemplation des sensations. Je vais poursuivre mon enseignement à propos de Vedana Nupassana. Les yogis ont compris, je pense, l'intérêt qu'il y a à noter les sensations. À l'entretien, ils ont expliqué aujourd'hui comment ils notaient la douleur, ils ont décrit toutes leurs expériences, y compris la façon dont ils ont pu voir disparaître la sensation douloureuse. Ils ont fait de très bons rapports. C'est la raison pour laquelle je voudrais expliquer davantage Vedana Nupassana, la contemplation des sensations. Si on ne pratique pas la méditation vipassana, on n'est conscient ni du corps ni de l'esprit. Une telle personne, en réalité, ne sait rien, elle ne sait rien ni à propos de son corps ni à propos de son esprit. Par contre, celui qui pratique la méditation vipassana est conscient de son corps et de son esprit. On peut donc dire que pratiquer la méditation vipassana, c'est faire une recherche à propos de son propre corps et de son propre esprit. Le méditant vipassana est donc attentif de façon très précise à son corps et à son esprit. Au début, il s'efforce d'être attentif au mouvement de l'abdomen. Il note très consciencieusement le soulèvement et ensuite l'abaissement de l'abdomen. Il reste assis sans bouger. Et après quelque temps, il va tout naturellement devenir conscient des sensations et particulièrement des sensations désagréables. Dès qu'il voit apparaître une sensation désagréable, il la note et l'observe avec beaucoup d'attention. Cette sensation va progressivement devenir très claire. Le méditant expérimente donc à ce moment-là l'apparition de la sensation douloureuse dans son corps. Il la note et l'observe très attentivement. À force d'observer ainsi la sensation douloureuse, le méditant va remarquer qu'elle change constamment. Elle va s'intensifier. Il se peut qu'elle se transforme en chaleur. Cette chaleur peut elle-même devenir une brûlure. Cette brûlure va éventuellement se transformer en une autre sensation, comme par exemple des vibrations. Le méditant réalise ainsi que la sensation douloureuse peut prendre toutes sortes de formes. Ceci, c'est une réalisation, le méditant a expérimenté tout cela directement par lui-même dans sa méditation. S'il ne l'avait pas réalisé directement dans sa méditation, il n'aurait pas été capable d'expliquer tout cela à l'entretien. Le méditant a donc réalisé de façon authentique le changement de la sensation douloureuse. Grâce à sa pratique, à son effort, à son attention, il a réalisé de façon authentique le changement de la sensation désagréable. Il a vu que la sensation désagréable peut prendre toutes sortes de formes, qu'elle évolue constamment. Dès qu'elle s'est manifestée, vous l'avez observée de façon très précise et progressivement, vous avez réalisé qu'elle n'était pas permanente. Elle change constamment. La sensation douloureuse n'est pas solide et tout ceci, c'est votre attention qui vous a permis de le constater. Imaginons par exemple que vous avez une sensation de chatouillement sur le visage. Vous ouvrez les yeux pour voir si c'est un insecte qui la provoque. Mais vous constatez qu'il n'y a aucun insecte. Vous en concluez donc que ce n'est qu'une sensation. Donc grâce à votre concentration et à votre attention, vous avez réalisé que la sensation douloureuse n'est pas solide, qu'elle n'est pas permanente. Vous avez développé la compréhension. C'est une compréhension intuitive, expérimentale. Tous les matins, nous récitons la formule d'hommage au Dhamma. Le Dhamma a 6 qualités, nous explique le Bouddha. Le Dhamma du Bouddha est tout d'abord bien exposé. Il doit être réalisé par soi-même. C'est Sandhetika en pali. Le pratiquant Vipassana réalise par lui-même la vérité à propos des phénomènes. Il les voit tels qu'ils sont réellement. Tant qu'on n'a pas pratiqué Vipassana, on n'est pas conscient des sensations désagréables en soi. On ne les observe pas. On ne voit pas que ces sensations se dissolvent, on ne sait rien à leur sujet. Lorsqu'on pratique la méditation Vipassana, on commence par établir l'attention et la concentration. Ces deux facultés vont se renforcer, elles vont devenir puissantes et le méditant verra la réalité telle qu'elle est. Il réalise que la sensation douloureuse va et vient constamment. Il le réalise directement dans sa pratique. Il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et petit à petit des sensations désagréables apparaissent. Il les note, les observe et constate qu'elles s'intensifient, qu'ensuite elles diminuent d'intensité et finissent par disparaître. Il revient alors au mouvement de l'abdomen. Après quelques instants, une nouvelle sensation douloureuse apparaît. Le méditant la note, il la voit s'amplifier, puis diminuer et disparaître. Il revient au mouvement de l'abdomen. C'est de cette façon que le méditant réalise que la sensation douloureuse va et vient constamment. C'est son attention qui lui a permis de le réaliser. Par l'attention, le méditant peut réaliser la disparition de la sensation douloureuse. Il la voit s'estomper, disparaître, elle n'existe plus. Lorsqu'une sensation désagréable se manifeste chez quelqu'un qui ne pratique pas la méditation Vipassana, il va tout simplement changer de posture. Il change de posture sans être attentif. Cette personne ne comprendra jamais que la sensation douloureuse est transitoire, qu'elle change constamment. Il n'a pas la sagesse. Sans la sagesse, il est impossible de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Mais le méditant vipassana reste immobile et essaye de ne pas changer de posture lorsque la sensation douloureuse se présente. S'il change de posture trop souvent, son esprit va devenir agité et il ne pourra pas construire sa concentration. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de ne pas bouger si possible. Le méditant reste donc assis sans bouger et observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. De temps à autre, des sensations douloureuses se manifestent. Il les note avec attention, il les observe et peut voir leur véritable nature. La sensation douloureuse s'intensifie, diminue d'intensité et finit par disparaître. Un méditant qui a expérimenté directement dans la méditation la disparition de la sensation douloureuse va devenir très confiant. Cette confiance est due au fait qu'il a géré correctement la sensation désagréable. Ceci est très difficile à faire. En méditation, la théorie est très simple, mais la pratique est difficile. Je pense que vous vous rendez tous très bien compte combien il est difficile de se montrer patient avec la sensation désagréable. Vous ne réussirez pas toujours à voir disparaître la sensation désagréable. Vous l'observez très attentivement, vous voyez qu'elle s'intensifie, qu'elle devient presque intolérable, mais elle ne disparaît pas. Que faites-vous alors? Que faut-il faire lorsque la sensation désagréable devient très intense? Vous devez faire preuve de détermination, essayez de ne pas abandonner trop vite. Écoutez les conseils de votre instructeur et faites preuve de détermination. Vous notez cette douleur avec détermination, mais malgré cela, vous ne réussissez pas à la voir disparaître. Imaginons par exemple qu'il s'agisse d'un engourdissement. Vous devez noter engourdissement, engourdissement, engourdissement. Cette sensation va s'intensifier et devenir très claire. Il est même possible qu'à un moment elle soit si intense que votre jambe devienne tout à fait insensible. Il n'y a plus aucune sensation dans la jambe. Cet endroit du corps est devenu comme mort. Il est possible que vous commenciez à vous inquiéter parce que vous ne sentez plus rien dans cette jambe. Vous vous inquiétez parce qu'il n'y a plus aucune sensation. Vous penserez peut-être que vous avez été victime d'une attaque et la peur surgit. Il faut alors que vous notiez cette peur. Vous répétez mentalement « peur, peur, peur ». Pourquoi la peur est-elle apparue? Parce que la sensation d'engourdissement est devenue très intense. Lorsque les sensations désagréables deviennent très fortes, comme par exemple des pressions, des torsions, des démangeaisons, des brûlures, etc., la colère va peut-être se manifester en vous. Vous devez alors noter cette colère, colère, colère, colère. Et pourquoi la colère est-elle apparue? Parce que la sensation est devenue très forte. Tout ceci sont des choses à réaliser dans la méditation. Il faut donc noter les sensations désagréables. Il se peut toutefois qu'il ne vous soit pas possible de maintenir votre observation. Vous pouvez alors changer de tactique et revenir au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais ceci ne veut pas dire que vous devez changer de posture. Vous restez dans la même posture sans changer. Vous pratiquez avec détermination. La seule chose qui a changé, c'est la tactique. Vous n'observez plus la sensation d'engourdissement. Vous avez changé d'objet. Vous avez déplacé votre attention vers les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il est possible que la sensation d'engourdissement s'atténue et vous revenez alors à l'observation de la sensation désagréable en répétant mentalement « engourdissement, engourdissement ». C'est une des méthodes pour gérer la sensation douloureuse. Mais tout ceci est une question de tempérament. Si vous êtes capable d'une très forte détermination, ne changez pas votre objet d'observation, continuez à observer la sensation douloureuse, là où elle se présente. Notez-la jusqu'au moment où elle aura disparu. Cette façon de procéder est très dure, mais comme vous avez une forte détermination, il est possible que vous réussissiez. À la séance suivante, vous ne craindrez plus la sensation douloureuse, car vous saurez qu'après tout, elle n'est pas si difficile à supporter. Donc, si vous êtes capable d'une forte détermination, gardez votre esprit focalisé sur la sensation douloureuse. Ne changez pas d'objet. Mais si vous ne réussissez pas à faire preuve d'une détermination très forte, vous pouvez déplacez votre esprit vers les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et abandonnez pendant un certain temps la sensation douloureuse. Il y a une troisième méthode qui consiste à observer la sensation douloureuse avec un certain recul de façon générale, de loin. Lorsque la sensation désagréable se manifeste dans votre corps, vous pouvez donc utiliser l'une ou l'autre de ces tactiques et vous la choisirez en fonction de votre tempérament. Si vous êtes d'un tempérament très courageux, vous pouvez observer la sensation douloureuse de façon très précise jusqu'au moment où vous aurez réalisé sa véritable nature. Cette façon de procéder est très dure, mais les résultats seront immédiat. Vous pouvez également déplacer votre attention vers les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen ou alors observer de façon générale en prenant du recul. Il est également possible que lorsque la sensation désagréable se présente, nous souhaitions la voir disparaître. Nous espérons pouvoir la surmonter, mais nous oublions d'être attentifs. Nous oublions de noter. Si cet espoir est déçu et que nous ne réussissons pas à voir disparaître la sensation douloureuse, la colère va se manifester dans notre esprit. Nous serons fâchés parce que cette sensation ne disparaît pas et qu'elle est très intense. Les méditants sont parfois très fâchés parce que la sensation désagréable ne disparaît pas. Le Bouddha nous explique qu'une personne qui est prise par la colère ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Elle ne peut pas distinguer ce qui est nocif de ce qui est salutaire. Si donc nous sommes en colère parce que la sensation désagréable ne disparaît pas, nous ne penserons pas à être attentifs, nous oublierons de noter. Mais cet état d'esprit doit être noté. Si nous notons la colère, nous la verrons disparaître. Lorsqu'elle aura disparu, nous revenons à la sensation douloureuse que nous observons. Nous la verrons s'intensifier, puis diminuer progressivement d'intensité pour finalement disparaître. Mais cette disparition ne va pas se produire subitement. Il faudra noter pendant un certain temps cette sensation douloureuse pour la voir finalement s'estomper. Parfois, la douleur va se transformer en chaleur. Il faut alors noter cette chaleur. Cette chaleur va elle-même se transformer en une autre sensation. Cette nouvelle sensation va peut-être disparaître. Tout ceci doit être noté. Vous devez noter et observer de façon ininterrompue tout ce qui se manifeste. À force de le faire, toutes ces choses vont devenir très claires. Si vous voulez que la sensation douloureuse disparaisse, il y aura de l'avidité dans votre esprit. Le Bouddha explique qu'un esprit dominé par l'avidité est incapable de faire la différence entre le bien et le mal. Elle ne discerne pas ce qui est salutaire de ce qui est nocif. Si donc vous espérez quelque chose et que vous ne notez pas cet esprit qui désire, vous ne pourrez pas noter clairement la sensation désagréable. Nous sommes des pratiquants vipassana. Les pratiquants vipassana s'efforcent d'être attentifs à tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles. Nous expérimentons des sensations désagréables et nous constatons que ces sensations désagréables ne se manifestent pas qu'à un seul endroit. Elles sont partout dans le corps. Notre attention va se développer et nous verrons que ces sensations se manifestent partout dans le corps. Dans la jambe, dans le dos, sur le visage. Plusieurs d'entre vous ont eu l'impression d'insectes qui leur couraient sur la peau. Vous notez donc une sensation douloureuse à un endroit, et à peine l'avez-vous notée qu'une autre sensation douloureuse se manifeste ailleurs dans le corps. Vous notez cette nouvelle sensation, et une autre sensation désagréable apparaît ailleurs dans le corps. Si vous êtes capable de voir toutes ces sensations désagréables qui se manifestent à chaque instant dans le corps tout entier, vous pouvez vous dire que votre attention est très développée. C'est parce que vous avez une forte attention que vous êtes capable de voir toutes ces sensations partout dans le corps. Lorsque l'attention du méditant a atteint un certain niveau, il est capable de noter toutes les sensations douloureuses qui se manifestent à chaque instant. Il ne les ignore plus. Tout en les notant, il ressent une certaine irritation, une certaine insatisfaction, mais il n'abandonne pas son observation. Il note toutes ces sensations désagréables malgré cette irritation. Il réalise que son corps est en réalité une masse de souffrance. Il n'y a que des sensations désagréables partout dans le corps. Et c'est son expérience. Il réalise tout cela directement par lui-même dans sa pratique. Quelqu'un qui réussit à voir cette masse de souffrance et à l'accepter peut se dire qu'il a compris l'enseignement du Bouddha. Même s'il n'a pas étudié la théorie, il a expérimenté directement par lui-même dans sa pratique la réalité de toutes ces choses et il a accepté que son corps est un monceau de souffrance. Cette souffrance, c'est dukkha. C'est l'enseignement du Bouddha. En résumé, la souffrance, c'est l'attachement aux cinq agrégats. C'est ce que nous enseigne le Bouddha. Upadana Kanda est un mot composé qui comprend deux parties. Je vais vous expliquer. Upadana et Kanda. Kanda est un mot pali que l'on traduit par groupe ou agrégat. Il y a 5 groupes, 5 agrégats, et vous les avez expérimentés tous les 5 dans votre corps et dans votre esprit. Il y a tout d'abord le groupe de Rupa, la matérialité. Ensuite, le groupe des sensations, Vedana. Ensuite, le groupe des perceptions, Sanya. Le groupe des formations mentales, Sankhara. Et le groupe de la conscience. Ce sont donc là les 5 khandas. Le mot Upadana est traduit par saisie. On s'agrippe. Upadana est plus fort que Tanha, le désir. Tanha, c'est simplement désirer. Si on voit quelque chose d'agréable, on va le souhaiter, mais on ne le désire pas ardemment. Tandis que Upadana, c'est la saisie, c'est plus fort. C'est un désir très fort qui reste accroché dans l'esprit. On saisit l'objet, on s'y agrippe. On va donc s'agripper, saisir fermement les 5 agrégats. Où sont ces 5 agrégats? Ils sont dans notre corps et dans notre esprit. Nous sommes des êtres non illuminés et nous sommes donc attachés à notre corps, nous l'aimons, nous sommes très attachés à notre personne. Nous nous agrippons à ce corps. C'est soi-même que l'on aime par-dessus tout. Pour illustrer ceci, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée du temps du Bouddha. Il y avait un roi très célèbre du nom de Kosala. C'était un élève du Bouddha. Ce roi Kosala était marié et son épouse n'était pas de sang royal. Un jour, pour l'encourager, il lui posa une question. « Qui aimes-tu le plus ?» La reine Malika était une femme intelligente, c'était aussi une élève du Bouddha. Elle détenait la compréhension du Dhamma et se dit « Le roi souhaiterait que je lui dise que c'est lui que j'aime le mieux, mais je dois lui dire la vérité. La personne que j'aime le plus au monde, c'est moi-même. » Et elle avait raison. C'est à soi-même qu'on est le plus attaché. À cause de cet attachement pour sa propre personne, on souffre. On s'en fait beaucoup pour son propre corps. On y est très attaché. C'est ce que le Bouddha veut dire lorsqu'il parle de l'attachement pour les 5 agrégats. Tant que nous aurons cet attachement, il sera impossible de se libérer de la souffrance. Lorsque nous pratiquons la méditation vipassana, notre esprit va changer. Nous essayons de maintenir l'attention de façon ininterrompue, de façon à purifier l'esprit. Nous allons essayer de comprendre la réalité telle qu'elle est réellement et par l'attention, nous allons expérimenter dukkha, la souffrance. Nous réaliserons tôt ou tard que notre corps est un monceau de souffrance. On aura beau chercher, on n'y trouvera jamais rien d'agréable. Si nous sommes très attentifs, nous pourrons constater tout cela. Et c'est ainsi que progressivement, nous allons nous détacher de ce corps. Nous pourrons alors faire la différence entre l'attachement et le non-attachement. Tout ceci va faire surgir en nous un désir très sincère pour la libération. Pourquoi? parce que nous avons vu le désagrément du corps. Notre bienfaiteur, le vénérable Mahasi Sayadaw, nous donne l'exemple d'un pêcheur qui essaye d'attraper du poisson avec son filet de bambou. Les Occidentaux devront peut-être faire un effort d'imagination car ils ne connaissent pas ces filets traditionnels que l'on utilise en Asie pour pêcher. Notre pêcheur se trouve donc dans l'eau avec son filet de bambou. Après quelque temps, il sent du mouvement dans le filet. Il croit avoir attrapé du poisson, plonge la main sous l'eau, attrape l'animal. Il l'agrippe, le saisit fermement. Il a le visage tout réjoui car il croit avoir attrapé un beau poisson. Il s'attache à cette prise, mais n'a pas encore vu ce qu'il tenait en main. Lorsqu'il sort l'animal de l'eau, il constate que ce n'est pas un poisson, mais un serpent venimeux. Il voit la réalité telle qu'elle est. Pensez-vous que ce pêcheur a encore du désir pour cet animal? Non, il n'en veut plus. Pourquoi? Parce que cet animal est dangereux. Il pourrait mourir s'il était mordu. Le pêcheur a donc du détachement pour cet animal. C'est la même chose en méditation. Tant que nous n'aurons pas réalisé que le corps est un monceau de souffrance, nous lui serons attachés. Nous l'aimerons, nous le saisirons très fermement. Mais plus la pratique se développe, plus l'attention se renforce, mieux nous voyons qu'il n'y a aucun confort dans le corps. Il n'y a rien d'agréable à y trouver, et nous comprenons ce que le Bouddha veut dire lorsqu'il parle de dukkha. Petit à petit, nous allons nous détacher de ce corps. Vous allez donc reprendre votre pratique, noter toutes ces sensations douloureuses chaque fois qu'elles se manifestent. Vous commencez à espérer autre chose, vous espérez vous libérer de cette souffrance. Pourquoi? Parce que vous l'avez expérimentée très clairement dans la méditation. Vous vous dites que ce serait formidable d'être libéré de cette souffrance, de ne plus avoir de sensations douloureuses. C'est le désir de délivrance. Vous désirez être libéré de la souffrance. Pourquoi? Parce que vous l'avez tellement expérimenté dans votre pratique. Vous avez expérimenté très clairement dukkha. Tout ceci nous permet de dire que la doctrine du Bouddha n'est pas une doctrine pessimiste. Si le Bouddha nous avait parlé constamment de dukkha sans donner le moyen d'y échapper, elle pourrait effectivement être considérée comme pessimiste. Mais le Bouddha nous donne la méthode pour mettre fin à la souffrance. Il nous enseigne le chemin qu'il faudra suivre pour se libérer. C'est la raison pour laquelle, hier, j'ai évoqué les paroles du Bouddha. Dukkha, la souffrance, doit être comprise. La cause de dukkha doit être comprise. La cessation de dukkha doit être comprise. Et le chemin qui mène à la cessation de dukkha doit être compris. Nous pratiquons pour l'instant le chemin qui mène à la cessation de dukkha. Si nous sommes attentifs de façon continue, que notre attention se développe, la concentration va automatiquement se construire. Lorsqu'elle sera devenue très forte, qu'elle aura atteint un niveau suffisant, nous discernerons très clairement la réalité telle qu'elle est vraiment. nous développerons les connaissances vipassana. Demain, je vous expliquerai comment le méditant expérimente les connaissances vipassana. May you be well and happy. May you be able to practice meditation ardently and energetically. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are. Sadhu.